Cours numéro 19. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah ta'ala. Dhikru sifati al-ahmaq wal jahil ma'an. 19e chapitre. Dhakara rahimahullah هذا الباب pour montrer awsaf al-ahmaq wal jahil. Toujours dans les chapitres concernant les fréquentations, et c'est le dernier, après avoir cité rahimahullah l'importance de s'entraider entre frères, la fraternité, كذلك l'importance de as-sadiq wal-jalis as-salih, et كذلك l'importance de az-ziyara, et ça fait partie des fruits, la mise en application de ce bon comportement. Il a clôturé ses chapitres avec hadhal bab fi dhikr sifat al-ahmaq, les caractéristiques de al-ahmaq wal-jahil, cette fréquentation, ce genre de personnes que tu dois éviter, akhil karim. Fi hadhal bab rahimahullah ta'ala, il a cité des manières, des façons, des caractéristiques pour reconnaître ahaula. Al-ahmaq, ça vient du mot al-humq. Et huna, c'est pas al-murad bi al-humq. Huna, c'est pas alladhi faqada aqlahu bil-kulliya, ay al-majnoun. Al-humq, c'est la folie. Et huna, al-murad, c'est pas al-ahmaq al-majnoun, celui qui n'a plus de raison. La. Falihada qala al-ahmaq wal-jahil. Huna, al-ahmaq, c'est bimana al-safih, le faible d'esprit, celui qui a un mauvais comportement. Et al-jahil, l'ignorant. L'ignorant qui ne veut pas apprendre. L'ignorant qui refuse an-nasiha, le conseil. L'ignorant qui a de l'orgueil et qui ne veut pas se rabaisser pour accepter al-haq et avoir de l'humilité. Wa illa fa kam min al-juhal min awam an-nas, ils ont un bon comportement. Et ils acceptent al-haq, ils font partie de al-uqala. Ils font partie des gens sensés. Fa al-maqsoud, donc bil ahmaq wal jahil, c'est ce qu'on vient de citer. Wal imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, il a cité un hadith bien sûr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a cité quelques caractéristiques pour reconnaître haoula, des vers de poésie et des paroles d'imam de la sunna. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Qala rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Nasr ibn Nawfal qala haddathana Abu Dawud السنجي قال حدثنا أبو عاصم عن شبيل ابن غزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم يعطك شيئا يصيبك من عطره ومثل الجليس السوء مثل القين إن لم يحرق ثوبك أصابك من دخانه. هذا الحديث تقدم معنا. الحديث il est في الصحيحين avec un autre لفظ. نعم, le chapitre numéro 15. نعم, الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى, et on l'avait lu من الحاشية, on avait lu كذلك le hadith de ابو موسى que le مؤلف il a cité, وهنا عن انس بن مالك رضي الله عنه. Et le 15e chapitre, il ressemble à celui-là. ذكر الحث على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار. تذكرون, c'était le 15e chapitre, les bonnes fréquentations et les mauvaises fréquentations, et c'était basé sur ce hadith. هنا رحمه الله, c'est plus précis, il a cité أوصاف هؤلاء الأشرار الدهال الحمقى, il a cité les caractéristiques de هؤلاء السفهاء, ces faibles d'esprit qui ont un mauvais comportement et qu'il faut éviter s'ils n'acceptent pas le haq. Limada, li'annahu, ils font beaucoup de mal. Donc le hadith taqaddam ma'ana. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé al-jalis al-salih bil-attar, bi-ba'i' al-misk, celui qui vend du misk, celui qui vend du parfum. Fa, ala kulli hal, tu profites en tous les cas si tu te rapproches de lui. Imma, il va te donner, imma, tu vas sentir une bonne odeur. Wa, il a donné l'exemple de al-jalis as-su, la mauvaise fréquentation, et bil qayn, ay al-haddad, le forgeron. Fa imma yuhriq thawbak, imma il brûlera ton vêtement, ou tu sentiras une mauvaise odeur, أو كما جاء في هذه الرواية أصابك من دخان. ما تسرى جيني par le bruit, par la fumée إلى آخر les mauvaises odeurs. فهذا تقدم معنا. Et d'autres hadith qu'on a cité au fur et à mesure, كقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على الدين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Chacun de nous à la religion de son ami proche. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à faire attention, à regarder qui on prend comme ami proche. قال رحمه الله فالواجب على العاقل ترك صحبة الحمقى ومجانبة عشرة النوكاء. النوكاء ça ressemble à الحمقى. Et on répète هنا, on peut traduire par faible d'esprit, par une personne qui a un mauvais comportement, il a akhir. قال كما يجب عليه لزوم صحبة العاقل الأريب وعشرة الفطن اللبيب. هذا ولله الحمد تقدم معنا كثيرا أن العاقل il doit tout faire pour fréquenter هؤلاء الأخيار من أهل العلم والسنة s'il peut, من المؤمنين الصالحين les croyants vertueux, ceux qui, ولو si ils ne sont pas profitables dans certaines choses à cause d'un manque de capacité, maintenant le manque de science ou autre, لكن على كل حال ils feront tout pour ne pas faire de mal. Et même s'ils se trompent, ils acceptent un nous. فمثل هؤلاء les fréquenter, il y a beaucoup de فوائد. والمؤمن العاقل يجتنب هؤلاء الحمقى النوكاء. Pourquoi ? قال رحمه الله لأن العاقل وإن لم يصبك الحظ من عقله أصابك من الاعتبار به. العاقل tu profiteras de lui على كل حال. Une نصيحة, comment il se comporte, un service, une kalima طيبة, il va te corriger, il va patienter avec toi, tout ce qu'on a vu précédemment. قال والأحمق إن لم يعدك حمقه. يعدك c'est من العدوى, c'est quelque chose de contagieux. Enfin, Al-Ahmaq, même s'il ne va pas te contaminer avec sa maladie, Al-Humq, Al-Safa, son mauvais comportement, قال تدنست بعشرته. Non, même s'il ne te contaminera pas, لكن il y aura des effets néfastes sur toi. لماذا لأن celui qui s'approche du feu, il se brûle. وفي الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هكذا قال Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset, c'est un dalil qui montre à celui qui s'approche du char, il peut être touché. Et il sera touché. Il y aura un impact sur lui. Forcément. Tadannasta bi'ishrati. Une accusation. Une moquerie. Un mauvais comportement. Une mauvaise plaisanterie. Il a akhir. Qala Abu Hatim rahimahullah min alamati al-humq allati yajib lil'aqil tafaqquduha mimman khafi alayhi amruh. Aïe, pour reconnaître Ha'oula al-Hamqa, qu'il faut absolument éviter, ne pas fréquenter. Si tu peux les conseiller, conseille. Khasatan, si tu sens que, bi'idnillahi azza wa jal, tu as un impact sur lui. S'il te respecte, ma Ha'oula, il ne respecte pas grand monde en général. Lakin, ça peut arriver, annahum yahtarimuna al-shakhs. Et il les conseille, falhamdulillah. Lakin, les fréquenter, ça fait beaucoup de mal. Limadha, li'anna, parmi leurs caractéristiques, qala, ممن خفي عليه أمره أي من علامات الحمقى من علامات الحمق plutôt parmi les façons de savoir est-ce que cet insan il est أحمق أم لا. قال السرعة الجواب. هذا أولا أنهم ils se précipitent à répondre, que ça soit dans des مسائل في الدنيا أو dans des مسائل في الدين. Et المصيبة الأعظم quand هؤلاء ils se permettent de parler et de répondre في دين الله عز وجل. سرعة الجواب. أما العاقل avant de parler il réfléchit, même si c'est une masala min umur ad-dunya, لأن il y a des questions même qui sont liées qu'à ce bas monde, qui n'ont rien à voir avec le din, لكن la réponse que tu vas donner elle peut avoir des conséquences énormes. Une séparation, une rupture, une faillite, une perte d'argent, un problème, il a arrêté. Et في باب الدين c'est encore plus important. كم من الناس يتكلمون et ils répondent à des questions alors qu'ils n'ont pas la capacité, et ils sont cause de divorce. Ils sont cause de fitna. Ils sont cause de rendre les choses difficiles. Ils sont une cause anna al-insan Obama. Il devait refaire cette obligation, il ne la refait pas à cause d'une fatwa qui est fondée sur l'ignorance. Ils sont la cause kadalik. Ils font du haram à cause de ces fatwas, à cause de ces réponses qui sont fondées sur l'ignorance et les passions. Al-jahl wal-hawa. Al-aqil yattaqillah subhanahu wa ta'ala. Et on le répète encore plus, fima yata'allaq bid-din. واحذر أخي الكريم هنا من باب العاطفة les sentiments. Anna, tu vois, Anna, cette personne elle a vraiment besoin de cette réponse. C'est urgent. Si tu n'as pas la capacité, tu n'es pas responsable. Allahu a'lam. Même si c'est fait mas'ala dunyawiya. بعض الناس, ils ont été la cause de l'aggravement de la santé de certaines personnes à cause de réponses faites tab. Des réponses concernant la médecine, c'est pas tout le monde qui peut parler via là. Est-ce que tu as fait des études? Même si on prend At-Tib An-Nabawi, c'est un ilm azim. C'est pas tout le monde qui peut parler via Adelbab, surtout quand c'est la santé d'un musulman qui est en jeu. Enfin, on doit tous craindre Allah. Et pour revenir à Mas'alat-Din, aslan, nous, on n'est pas aptes. On n'est pas aptes. C'est pas celui qui a appris quelques hurufs, il a appris à lire, il a étudier quelques temps, quelques années, khalas, il est apte pour faire des fatawa. Encore plus dans certaines masaïl, kannawazil al-idham, des choses qui touchent la communauté, des conflits, des problèmes politiques, des fitan, il a akhri, c'est pas tout le monde qui peut parler via hadha al-bab. Amma al-ahmaq, il se précipite de répondre. Et vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ahyanan wahad, il lance un sujet, une question. Et tu trouves un nas bisur'a bal yatanafasun fi dhalik ayadan billah, ce concurrence, il se précipite pour répondre. Hada il dit c'est halal, l'autre il dit c'est haram, l'autre il dit il y a divergence, un quatrième il emmène une autre shubha, et à la fin ça divise tout le monde. Limadha li anna hada at-tasarruf, c'est pas min tasarruf al-uqala talabat al-ilm min bab awla al-ulama. On doit tous craindre Allah. Si on te pose une question, Akhil Karim, awwalan, ne te précipite pas. Pour répondre à la question, il faut comprendre la question. Pour répondre à la question, il faut comprendre la question. Awwalan. Comme les gens répondent à une question qu'on ne leur a pas posée. Si tu réfléchis et tu analyses, il a répondu à une chose que ça, il ne lui a pas demandé. Là, c'est lui qui a mal compris. Il donne une réponse par rapport à ce qu'il a compris. Pas par rapport à la question qui a été posée. Il faut bien méditer sur la question. On parle pour celui qui a les capacités. Tu vois, l'ulama, l'ulilm, ils répètent la question. Ils disent, ils disent la question. Il dit là, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Quand la question elle est bien comprise, il faut que la réponse elle soit adaptée. Comme il en a dans la réponse, il cite un verset du Coran. Ou un dalil min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas à sa place. Bad al-juhal, il pense que la réponse c'est du ilm, c'est de la science, alors que c'est de l'ignorance. Un dalil c'est une chose, ou l'istidlal c'est une autre chose. Fala bud min dalil sahih awwalan, il faut une preuve authentique awwalan, wa thaniyan istidlalun sahih, il faut que cette preuve elle soit à sa place. Voilà, chacun a pour pouvoir citer un hadith sahih et le mettre à sa place, il faut de la science. فَمِنْ عَلَمَاتِ هَؤُلَى سُرْعَةُ الْجَوَابِ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Comme c'est venu dans plusieurs athars, أَحْيَانًا on leur pose une question. ثُمَّ الصَّحَابِ il dirigeait السائل, celui qui a posé la question, vers son frère, un autre compagnon. Et l'autre, il faisait de même. حَتَّى le questionneur, il revenait au premier صحابي. Et ils essayaient tous de fuir pour ne pas répondre. لماذا الورع؟ Et لماذا لأنهم c'était أعقل الناس رضي الله عنهم بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نحن من باب أولى. نحن ça doit pas être من باب الورع. Il faut pas que le shaitan nous gonfle. On ne répond pas من باب الورع. Là, نحن on doit pas répondre. لماذا؟ لأن on n'a pas la capacité. Pas parce qu'on a de la science, là, qu'il y a de la modestie, on doit refuser de répondre là. Nous, notre niveau, ce n'est pas notre place. Ça peut arriver un cas, une question te pose un de tes proches, مثلاً, et tu connais la réponse, walillahilham, tu as des paroles de savant, et où il a besoin, il n'a pas accès, il ne connaît pas les savants, il ne peut pas les contacter. Surtout si c'est un proche. Subhanahu wa ta'ala. Et tu ne te précipites pas. Et si tu as un doute, tu demandes à tes frères. Talabat al-ilm. Ou si tu peux contacter un savant, fa afdal. Lakin, toujours avec al-hudu wa sakina. Fa hada awwalan. Thaniyan, tarku at-tathabbut. Tadhkurun anna dans le premier bab de ce livre, fi sifat al-aqil. Tadhkurun le premier bab, dhikru al-hathi ala luzum al-aql. وصفة العاقل اللبيب الإمام أبو حاتم رحمه الله il avait cité beaucoup de caractéristiques du عاقل et le contraire de l'عاقل c'est الأحمق donc les caractéristiques du عاقل l'inverse ça sera les caractéristiques de ce faible d'esprit de cet ignorant. C'est pour ça que dans le premier chapitre في الحقيقة on a vu beaucoup de points qu'on va lire inshallah aujourd'hui. لكن لا بس on répète قليلا ولو en résumé ça nous fait une révision et un rappel. Tark at-tathabbut. At-tathabbut, c'est le fait de se renseigner, s'assurer que cette chose elle s'est vraiment passée comme ça. مثلاً at-tathabbut 'inda al-akhbar. Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hakadha qala Allah 'azza wa jalla. Surtout si Al-Khabar, il vient de quelqu'un qui est connu pour le mensonge, ou min fasiq, la yakhaf Allah, illa qalila, ou d'autres cas, il y a des hal, fa la bud mina at-tathabbut. At-tathabbut fi naqli al-akhbar. Encore plus quand tu connais pas l'origine de ce khabar, la source de cette information. Wa illa, si celui qui informe, c'est un thiqa, c'est une personne de confiance, on doit accepter al-khabar, kama qarrara ahlul ilm. Lakin, on vit à une époque où il y a beaucoup d'informations qui circulent. À cause de Internet et des réseaux sociaux, beaucoup d'informations qui circulent dans tous les domaines. Dans le domaine de la da'wa du din, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la politique, dans chaque domaine. Avec هذه الوسائل الجديدة, tu as des centaines, des milliers d'informations qui arrivent. On ne dit pas par jour, on dit à la minute, l'heure. Et il y a des informations de toutes parts. Fallait avoir l'insan. Si il ne fait pas attention et il tend l'oreille à tout, il ne filtre pas encore plus s'il n'a pas de ilm, il pourra se faire du mal et faire du mal aux autres. Comme il répond des informations, sans se renseigner, sans s'assurer que c'est la vérité. Ils ne connaissent pas la source. ثم ils sont obligés d'effacer le message ou s'excuser. لماذا لأن ينظر في هذا. Avant d'écrire, أخي الكريم, avant de parler, avant de propager, التثبت. وإلا avec une information, elle peut faire beaucoup de mal. قال والإفراط في الضحك. Et كذلك ça c'est من صفات هؤلاء. أي l'excès dans le fait de rire. النبي صلى الله عليه وسلم il riait, alayhi salatu wassalam, et akthar ahwalihi, la plupart du temps, il souriait. Lakin al-ifrat, l'excès, ba'dhum, ils ont de l'excès dans la façon de rire, et kadhalik dans le nombre, il rit tout le temps, du matin au soir. Taqaddam hadha ma'ana, le fait de plaisanter, il a akhri. Al-ifrat, le dhahik, ça fait du mal au cœur. Kadhalik al-insan, idha dhahika, si il rit, pour une raison quelconque, il n'est pas obligé d'avoir de l'excès. Là, l'insan, la budmina, al-wasat fi kulli shay. Al-ifrat fi al-dhahik, dépasser les limites, l'excès fi hada, kadhalik, c'est pas mina, awsaf al-uqala. Wa kathrat al-iltifat. Al-ulama yadhkurun hada. Al-iltifat, c'est le fait de se retourner à droite, à gauche. Qala wal-waqi'at fi al-akhyar. Et ça, c'est min alamat, ou min abraz alamat ha'oula. Vu que al-ahmaq, al-jahil, al-savi, il est loin du khayr, Et il a du mal à mettre en application le bien et à dompter son âme, à repousser le shaytan. Enfin, en général, ceux-là, ils yaqa'ouna fil akhyar kathiran. Al waqi'a fil akhyar, c'est le fait de critiquer les gens pieux. Wa ashaddu min dhalik critiquer ahlul ilm. Falihada qala Abu Hatim et d'autres min a'immati as-sunnah min alamati ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ça c'est min sifati al-ashrar, que ce soit un safi, un jahil, un ahmak, comme on a dans notre dors, ou parmi les caractéristiques bien sûr des innovateurs. Fal-waqi'atu fi al-akhyar c'est haram. Limada critiquer, madalan, limada critiquer ahlul ilm. Même si on a la conviction qu'ils ne sont pas infaillibles. Enfin, si c'est un savant de la sunna, l'imam va le critiquer. Personne ne t'ordonne de suivre ce qu'il dit, d'accepter toutes ces paroles-là. Lui-même, le savant de la sunna, il t'apprendra que tu ne prends pas tout de lui. Tu prends la vérité qui concorde avec les textes. Lakin at-ta'n, wal-lamz, wal-ghamz, wal-sab, wal-istihza, se moquer, critiquer, accuser. Là, c'est pas min sifati al-uqala. Et كذلك ton frère mu'min qui est à la khair. لماذا الوقيعة فيه؟ لماذا directement accusé, critiqué là؟ باب النصح معروف، conseillé، خاصة quand c'est des choses qui ne touchent pas au din، même si ça touche au din، avant la critique، il y a une étape. خاصة si tu sais que ton frère il aime le khir، il accepte la vérité، il est prêt à t'écouter، ففي هذا الحال، celui qui critique là، شك أنه il a un ضعف، il a une faiblesse dans son din. قال والاختلاط بالأشرار وهذا تقدم le fait de fréquenter les mauvaises personnes والطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرء على دين خليله vu que هؤلاء ils ont du char à cause de leur ignorance, à cause de leur mauvais comportement, en général ils fréquentent les gens qui sont comme eux. Connaître هذه العلامات, c'est très très important. لماذا؟ لأن أولا on n'est pas à l'abri. Donc on doit faire un effort pour s'écarter de ses comportements et se corriger et apprendre pour éviter de tomber dans ces choses. كذلك pour pouvoir mettre en garde nos frères contre ces mauvais comportements et conseiller. قال والأحمق إذا أعرضت عنه اغتم وإن أقبلت عليه اغتر. Al-ahmak, quand tu ne le fréquentes pas, tu t'écartes de lui, ghtam. Ghtam, c'est hazina. Ça le rend triste. Wa in aqbalta alayhi ghtar. Et si tu le fréquentes et tu lui donnes une importance qu'il ne mérite pas, il ghtar. Très vite, le shaitan, il va le gonfler. Qal wa in halumta anhu jahul alayk. Wa in jahulta alayhi haluma ank. Kadhalik, si tu patiente et tu as de la douceur avec lui, al-ahmaq al-jahil, il va prendre cela pour de la faiblesse. Limada, à cause de humqi wa jahli wa safahi. Ouais, il n'arrive pas à comprendre que tu te retiens, que tu es patient. Lillahi azza wa jalla. Là, pour lui, c'est forcément une faiblesse. Wa hakada al-humqa al-juhal. Quand il voit un homme qui est calme, qui ne répond pas au mal par le mal, qui est patiente, qui retient sa colère, pour eux, c'est du dhaaf, c'est de la faiblesse. قال وإن أسأت إليه أحسن إليك وإن أحسنت إليه أساء إليك. كذلك إذا أحسنت إليه, si تكرمه, tu lui rends un service, tu fais un bien, فأساء إليك, il répond par un mal. لماذا لأنه أحمق. لماذا؟ لأنه il ne sait pas mettre les choses à leur place. Il ne reconnaît pas le khir. قال وإذا ظلمته انتصفت منه وإن يظلمك. نعم ويظلمك إذا انصفته. على كل حال, vous avez remarqué qu'il fait tout l'inverse. Les exemples que Ibn Hibban, on n'a pas tout expliqué. Rahimahullah, ce qu'il a cité. لكن on a, il a cité quelques exemples pour montrer أن هذا الأحمق الجاهل, il ne met pas les choses à leur place. Si tu lui fais du bien, il répond par un mal. Si tu lui fais du mal, il répond par un bien. هذا سمين الجهل. Alors que normalement, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yashkuru Allah, man la yashkuru nas. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Le bien, tu réponds par un bien. Ma répondre avec un mal, va hada la shak annahu, c'est une faiblesse dans la religion et dans la raison. Qala wa ma ushabbihu 'ishrat al-hamqa illa bima anshadani Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti. عِشْرَةُ وَمُعَاشَرَةُ C'est le fait de fréquenter. C'est ça, قَوْلُهُ وَمَا أُشَبِّهِ عِشْرَةَ C'est comme si tu disais مُلَازَمَةَ ou tu disais صُحْبَةَ Le fait de fréquenter. Il a cité ce vers de poésie pour montrer le danger, la gravité de fréquenter هَؤُلَا قَالَ الشَّاعِرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لصديق يرى حقوقي لصديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها صرت عرضا لرأى ما صنعت غير كبير واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا هكذا هؤلاء ils ne sont jamais satisfaits. C'est très très difficile de fréquenter هؤلاء. تأمل ces exemples qu'il a cité à الشاعر. Les صديقون يرى حقوق عليه نافلات وحقه كان فرضا. Son حق est le droit. On a tous des droits les uns envers les autres. Al muslim il a حق envers son frère musulman. Fal ahmaq as-sawi, ton حق à toi c'est comme une nafila, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Et s'il le remplit, c'est mieux. S'il ne le remplit pas, c'est pas grave. Amma son haq à lui, c'est min awjab al-wajibat. Wa min a'zam al-fara'id. C'est une énorme obligation. Falihada, si tu as un manquement, hada al-ahmaq al-savih al-jahil, il ne te manque pas. Probablement, il va citer des versets, des hadiths. S'il en connaît, peut-être qu'il te taxera, t'accusera d'hypocrite. Un naturiste pas tes engagements, il a akhiré. لماذا لأن صعيب مثلا parmi حقوق المسلمين c'est de respecter les engagements les rendez-vous صعيب un oubli une faiblesse il a آخر أن الإنسان il n'a pas respecté cet engagement فتو تروف هذا السبي أنه يعظم la chose il agrandit il grossit la chose كأنه وقع ما وقع أما quand c'est lui c'est comme si ne s'était rien passé نعم C'est comme une nafila. Tu n'as pas fait salat nafila, c'est pas obligatoire. قال لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها سرت عرضا لرأى ما صنعت غير كبير. ثم الشاعر il a dit ولو قطعت الجبال si je couperais une montagne طولا إليه pour lui. Enfin pour lui ça serait quelque chose de insignifiant. C'est pas beaucoup. Et هذا سامتال أن même si tu lui rends des services, même si tu fais énormément de khair هو pour lui c'est insignifiant. قال واشتهى ان ازيد في الارض ارضا. Il veut toujours plus. Fréquenter هؤلاء c'est très très difficile. لماذا لانهم ils sont jamais rassasiés, ils pensent qu'à dunya. Et ils ne voient pas les efforts de l'autre. Et ils sont égoïstes. لا شك ان هذا fréquenter هؤلاء c'est usant. صلى الله السلام. ثم قال رحمه الله la page suivante. أظلم الظلمات الحمق كما أن أنفذ البصائر العقل إيه نعم parmi les plus grands bienfaits c'est العقل c'est التوفيق من الله c'est la guider que Allah subhanahu wa ta'ala guide le muslim c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il mette dans le cœur de ce mu'min هذا العقل وهذه البصيرة la clairvoyance le fait de comprendre les choses le fait de ne pas se précipiter tout ce qu'on a vu dans ce livre من صفات العقلاء Et tout ce qu'on verra, بإذن الله عز وجل. Et كذلك من أظلم الظلمات, parmi les plus grandes injustices, الحمق. Et le contraire de ce qu'on vient de citer. قال فإذا امتحن المرء بعشرة الأحمق كان الواجب عليه اللزوم لأخلاق نفسه والمباينة لأخلاقه مع الإكثار من الحمد لله على ما وهبه له من الانتباه لما حرم غيره التوفيق له. Et هذا c'est un tambih muhim et c'est valable pour tous les chapitres qu'on a vu. Quand tu es éprouvé par هؤلاء, imma un voisin, imma un membre de la famille, imma une ancienne connaissance, il a akhri. Imma un safi que tu croises maintenant fi al-masjid. Fa awwalan, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ne réponds pas au mal par le mal. لماذا لأن المؤمن العاقل il ne fait pas ce qu'il veut. لا, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا, احمد الله سبحانه وتعالى. Normalement, هذا ça doit nous ouvrir encore plus les yeux que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a élevé. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a guidé. Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi que tu ne sois pas مثل هؤلاء. Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala, être reconnaissant. لماذا لأن السبب être toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala حكم عدل. قال فإن جرى الأحمق في صحبته ميدانه في عشرته فالواجب على العاقل لزوم السكوت حينئذ في أوقاته. نعم, si l'insan ابتلي, si واحد il est éprouvé par صحبة هؤلاء, ça peut être dans un voyage, tu n'as pas le choix, ça peut être au travail, ça peut être, comme on l'a dit, un membre de la famille ou autre. Le zoom et le soukoud, c'est important. Les malades, il y en a répondre à Haoula. Répondre à la moindre provocation. Haoula, ils ont une sifa kadalik dhamima. Annahum, ils provoquent. Ils provoquent. Et ils essayent de dire des choses pour te toucher. Et si un tas de patientes pas, et tu réponds et tu perds ton sang-froid, c'est exactement ce qu'il veut. Et si tu te tais, tu ne fais pas attention et tu patientes l'illa, khasatan si هذه العشرة الصحبة elle est d'une courte durée, مثلاً un voyage, مثلاً au travail quelques heures. Comment تقدم معنا هذا الأحمق السفيه, il se taira et il cherchera une autre proie. Et أنت demande à Allah subhanahu wa ta'ala السلام. قال رحمه الله لأن أبا حمزة محمد ابن عمر ابن يوسف بن نسى حدثنا قال حدثنا النصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا ابن داود قال سمعت الأعمش الإمام يقول السكوت للأحمق جواب. تأمل هذا الكلام الجميل. السكوت للأحمق جواب. Le fait de te taire, c'est une réponse pour l'ahmaq. Et c'est ce qu'il mérite. Amma, lui parler, et encore plus polémiquer ma'a, et lui donner de l'importance, c'est exactement ce qu'il veut. Amma, si tu te tais, c'est la meilleure réponse que tu peux lui donner. Qu'est-ce que tu veux attendre d'une personne qui a ces caractéristiques citées précédemment? La yafam, ou la yurid an yafam, il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Alimala, perds ton temps. Celui qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre, ne perds pas ton temps avec lui. Falihada al-ulama nahou. Falihada al-ulama, il ne recommande pas de parler, de débattre, de polémiquer avec wahid qui ne comprend pas al-hujja et qui ne l'accepte pas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Amma, si quelqu'un veut vraiment la vérité et te montre qu'il veut la vérité et un tatoua sa de vérité, enfin montre-lui. Amma ahmaq jahil qui ne reconnaît pas ces choses, qui ne les veut pas, ou elle veut que se moquer, ou c'est un passe-temps pour lui. Anta, ne perds pas ton temps. Anta walillahi alhamd Allah subhanahu wa ta'ala akramak bil aql. C'est une ni'ma azima, fa préserve-la. Au lieu de perdre ton temps à lui répondre, fais du dhikr. Au lieu de perdre ton temps à lui répondre, récite le Qur'an. Au lieu de perdre ton temps à lui répondre, fais du'a pour lui. فلعل dans ce دعاء يرى خير pour toi et pour lui. قال أبو حاتم رحمه الله وإن من الحمقى من لا يصده عن سلوكه السكوت عنه ولا يدفعه عن دخول المكامن الإغضاء عنه ولا ينفعه فالعاقل إذا امتحن بعشرة من هذا نعته تكلف بعض التجاهل في الأحايين لأن بعض الحلم إذعان كما أن استعماله في بعض الحالات قطب العقل. صحيح بعض هؤلاء السفهاء الحمقى même si l'insan il se tait, فهم ils essaieront de quand même de lui faire du mal. فالمؤمن ولله الحمد يجوز له بل c'est مشروع de se défendre, de défendre son honneur. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. دون هنا بمعنى السبب، أي من قتل بسبب ماله إلى شهيد، celui qui meurt. Pourquoi? Parce qu'il défend ses biens. فبإذن الله عز وجل il meurt martyr. وهكذا celui qui meurt en défendant son honneur, il meurt en tant que martyr. هذا c'est un délit. المؤمن il a le droit. بل il doit se défendre et préserver son honneur. لكن مع بعض السفهاء كما قال الإمام أبو حاتم رحمه الله قال فالعاقل إذا امتحن بعشرة من هذا نعته تكلف بعض التجاهل في الأحايين. لكن مع هذا essay de patienter. الحلم c'est مهم، خاصة quand tu as encore la capacité. لأن بعض الحلم إذعان، كما أن استعماله في بعض الحالات قطب العقل. نعم، ونسأل الله التوفيق. الحمد لله، الحمد لله الأمر لواسع. C'est vraiment des situations très très restreintes où tu dois rester maintenant en compagnie de Haoula. Wa illa fa alhamdulillah, tu n'es pas obligé de rester avec Haoula. Ça peut arriver dans certains cas des situations très restreintes, très courtes. Fa fi hada alhal, isbir. Isbir et alhamdulillah, quand tu quitteras hada as-savir, tu seras fi khayr. Thumma qala rahimahullah. On passe directement à la page suivante. قال أبو حاتم رحمه الله ومن شيم الأحمق. الشيم c'est العلامات الأوصاف. C'est les caractéristiques. Parmi les caractéristiques de هذا الأحمق السفيه الجاهل, de ce faible d'esprit, cet ignorant qui se précipite, العجلة, la précipitation. العجلة جاء في حديث العجلة من الشيطان. Le hadith فيه ضعف. Certains savants l'ont ضعف, لكن لا شك أن المعنى il est صحيح. أن العجلة en général c'est من الشيطان. Se précipiter c'est طيب pour faire les bonnes œuvres. فاستبقوا الخيرات. Dans ce cas نعم, se précipiter à faire le khayr c'est طيب. À faire du dhikr, à réciter le Coran, à faire salat la nuit, à donner الزكاه والصدقات etc. لا شك أن العجلة والتنافس في هذا سطيب. Se concurrencer dans le bien, se précipiter à faire le bien, سطيب. لكن العجلة في الأمور. العجلة se précipiter dans certaines prises de décision. العجلة كذلك se précipiter par rapport à ton frère. في الحكم. أنه tu as vu une chose, tu ne patientes pas, tu te précipites directement, c'est un kada. العجلة c'est من الشيطان. Et tu trouves هؤلاء الحمق se précipite très très vite. Tu le trouves, ربما واحد يعرفه من سنين, une personne qui connaît depuis des années, à cause de humqi, ou safah, en quelques secondes, il détruit une relation de plusieurs années. Ça, c'est min al-safah, c'est min al-ajala. Amma al-aqil, il fait tout pour préserver al-khayr. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, amarana bil-hudu wa sakina, même pour aller au masjid. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة. لماذا؟ لأن في العجلة أولا tu peux te blesser en te précipitant, tomber etc. كذلك en te précipitant quand tu rentres au masjid tu vas gêner les autres. On a tous connu هذا. Tu es fils sauf et tu entends des frères qui arrivent en retard et ils rentrent bien. عجلة ils se précipitent et ربما ils claquent la porte, ils courent dans le masjid, tout ça pour pouvoir faire الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Alors que c'est une précipitation pour une ibada. Alors qu'une précipitation qui est fondée sur l'ignorance, c'est pour faire du mal. L'ajala, c'est min al-shaytan. On disait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, amra bi al-hudu wa sakina. Être calme, être serein, réfléchir. Falihada kadalik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, shara'a salat al-istikhara. Pour les décisions importantes. Tu vas acheter une maison, tu vas acheter une voiture, tu veux te marier. ففي هذه الأمور يشرع صلاة الاستخارة. أما في العبادات tu n'as pas besoin de صلاة الاستخارة. Tu dois faire salat, tu dois aller au hajj, tu dois faire l'umra, tu dois الحمد لله. Ces choses tu as la capacité, les conditions elles sont remplies, tu les fais, il n'y a pas besoin de صلاة الاستخارة. لكن dans des choses tu as besoin de صلاة الاستخارة. مثلا le mariage. Est-ce que هذه المرأة elle va être profitable pour toi? Est-ce que ça va être un dharar amla? فتستخير الله. كذلك cette voiture, cette maison, est-ce que c'est un bien؟ وهكذا. Tout ça pour montrer أن المسلم لا يستعجل. لا يستعجل. كذلك pour éviter العجلة, demandez conseil. الأحمق, السفيه, l'ignorant, le faible d'esprit, il fonce هو. العاقل يتشاور. وسيأتي معنا un باب أظن في نعم في المشاورة والمشورة. أي la consultation, se consulter. كذلك العاقل يدمند أهل العلم certaines choses, même si c'est une omour d'unia, il y a un hukm derrière et tu as besoin de la réponse d'un savant. فلا تستعجل. Combien de personnes ils se sont précipitées à faire des achats, à faire certaines choses, ثم ils ont regretté. قال والخفة. الخفة, on connaît tous le mot خفيف, léger. هنا c'est بمعنى الخفة, il est instable. Il est instable, il est خفيف. Il n'arrive pas à rester serein, calme. والعجز. العجز, c'est le contraire de القدرة. العجز هنا, أن tu trouves هؤلاء في الكلام, c'est les premiers à parler, لكن في العمل, mettre en œuvre, mettre en application, tu les trouves d'aïman, ils ont des excuses. Je ne peux pas, j'ai pas le temps, et là, il y a divergence. Ou al-fujur. Al-fujur, c'est bimana na'am, al-fusuq, les péchés. Tu te trouves à oula, al-suvaha, à cause de leur faiblesse, fi din ou al-iman, ils ont min hada al-fujur. Que ce soit avec la langue ou autre. Tu les trouves maintenant, ils insultent beaucoup. Tu les trouves maintenant, ils jurent beaucoup, ou alors en mentant. Tu les trouves kadalik, ils se moquent beaucoup. كذلك يمنت بوكو. تصا سمين الفجور. والفجور يهدي إلى النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفجور سي une cause pour rentrer في النار. كالله سبحانه وتعالى nous préserve. والجهل, l'ignorance. أي نعم. Là, une des causes de tous ces comportements mauvais, c'est الجهل, l'ignorance. قال والتمقت. التمقت, ça vient du mot bourd, al-bourd. قال الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا, أي الله سبحانه وتعالى déteste. C'est ça, al-maqt, c'est le fait de détester. فالتمقت, c'est le fait de se détester mutuellement. فهؤلاء الحمقى, très vite. Comme on a dit, une relation, même avec certains membres de la famille, ربما très très vite, ils coupent les liens et ils détestent et ils accusent l'autre. قال والوهن. الوهن, c'est ضعف. Ça ressemble à l'عجز qu'on vient de voir ensemble. فالوهن, c'est ضعف. الضعف في العمل ou في غيره. الضعف في العمل مثلا, هؤلاء dans la mise en application des adorations des sunan, ils ont une énorme faiblesse. قال والمهابة. المهابة, c'est le خوف. قال والتعرض والتحاسد والظلم والخيانة والغفلة والسهو والغي والفحش والفخر والخيلاء والعدوان والبغضاء. نعم, وهذه الأوصاف تقدمت معنا أو بعضها. التحاسد, لا جلوزي. هؤلاء السفهاء, si tu le dépasses dans une chose, que ce soit من أمور الدنيا أو العلم, فتخيط خيط ils ont الحسد. Et بعضهم عياذا بالله, ils font tout pour que tu n'as plus cette ni'ma que Allah Azza wa Jalla t'a donné. Al-Zulm, ils sont injustes. Al-Khiyana, ils trahissent beaucoup. Al-Ghafla, ils sont dans une insouciance ajib. Al-Sahu, Al-Ghay, Al-Fuhsh, tout ça, ça ressemble aux ma'ani qu'on a cité précédemment. Al-Fakhr, Al-Fakhr, c'est Al-Kibr. Al-Fakhr, Al-Khuyala, c'est Al-Kibr, c'est l'orgueil. قالوا والعدوان, ça ressemble au ظلم, والبغضاء, on l'a vu في التمقت. قالوا إن من أعظم أمارات الحكم في الأحمق لسانه. كما قال رحمه الله, pour reconnaître هؤلاء, tu les reconnais quand ils parlent. ومن أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه. هذا اللسان, c'est une ni'ma من نعم الله عز وجل. لكن سلسان, إما يسرى en ta faveur في الدنيا والآخرة, إما يسرى contre toi في الدنيا والآخرة. فلهذا كنت معاد رضي الله عنه, il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, Est-ce que les gens ils vont rentrer en enfer à cause de leur langue ? قال النبي صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Une des plus grandes causes qu'un insan rentrera dans le nord, عياذا بالله, c'est cette langue. Cette langue, c'est une cause de kufr. Certains, مثلاً, يكفرون, ils insultent Allah, ils se moquent du prophète, عليه الصلاة والسلام. Ils invoquent autre qu'Allah. Cette langue, ils l'utilisent pour faire de la mécréance claire. كذلك, cette langue, c'est une cause de nifaq. بعض الناس, مثلاً, لا يؤمنون. Les munafiqoun, les i'tiqadiyoun, ils ne croient pas. Lakin avec leur langue, ils font croire qu'ils croient. كذلك, cette langue, c'est بعضهم, ils l'utilisent pour mentir. فهذا اللسان, si l'insan لا يضبطه بضوابط التقوى والورع والخوف من الله عز وجل, هذا اللسان, il peut conduire صاحبه à sa perte. كذلك, cette langue, elle peut le ruiner. Fid dunya. Combien de gens ils ont perdu femme, enfant, ami, etc. à cause de leur langue. Combien de personnes elles ont perdu leur travail et la akhirah à cause de leur langue. فَلِهَذَا مِنْ أَعْظَمْ أَمَرَاتِ الْحُنْقِ فِي الْأَحْمَقِ c'est sa langue. Qu'est-ce qu'il fait avec sa langue ? قَالَ فَإِنَّهُ يَكُونْ قَلْبُهُ فِي طَرَفْ لِسَانِهِ مَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِهِ نَتَّقَ بِهِ لِسَانُهُ. هذا الكلام تقدم معنا. تقدم معنا. J'ai oublié dans quelle partie du livre, لكن au début du livre, تقدم معنا. فإنه يكون قلبه في طرف لسانه. Son cœur, il est au bout de sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire, هذا? قال, il l'a expliqué juste après, رحمه الله, ما خطر على قلبه. Tout ce qu'il pense dans son cœur, نطق به لسانه, il le dit avec sa langue. Ça, c'est من صفات الحمقاء. أما العاقل, Al-Fatin, il ne dit pas tout ce qu'il pense. Là, il y a certaines choses que tu penses et le fait de le dire, ça te fera beaucoup de mal et ça fera du mal aux autres. Quand il y a un mais est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Abadan, là, ce n'est pas de l'hypocrisie. Là, bel hada, c'est min al-hikma. Il y a certaines choses, certaines personnes elles ne sont pas prêtes à les entendre. Il n'y a pas une hikma de le dire. Kadalik, tu n'es pas sûr. مجرد une pensée et avec le temps والله الحمد ça part. فلهذا العلماء يقولون هي l'unanimité الاجماع انه لا يجوز انكار المنكر بمنكر الشد من الاول. Tu n'as pas le droit. في هذا الحال tu dois te taire. اما الاحمق هو il parle dans tous les cas. Et احيانا il parle au nom du din, au nom de la da'wa, au nom de il faut enlever le munkar. Et il fait que rajouter al-bala, al-bala. Il fait que rajouter du mal. Enfin, si enlever un munkar, on peut l'enlever avec une chose, et cette chose va emmener un munkar, un mal plus grand, on se tait. Enfin, ça nous montre un al-mu'min, il réfléchit, c'est l'axe. C'est l'axe avant de parler, avant que cette langue, elle bouge, il est tafakkar. Est-ce que ce kalam il est pour ou contre lui? Est-ce qu'il y a une hikma? Est-ce qu'il y a un profit? Si c'est fait din, est-ce que j'ai un délil? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je contredis pas un ijma? Est-ce que je contredis pas qabla dalik un délil min al-Qur'an ou min al-Sunnah? Est-ce que je suis apte? Voilà kada. Et hada la shak annahu ça facilite. Et hada ça revient à quoi? Ça revient à une de leurs principales caractéristiques à Haoula Soufaha, l'ajala, la précipitation. ثم قال رحمه الله عن وهب بن منبه قال الأحمق كالثوب الخلق إن رفعته من جانب خرق من جانب آخر ومثل الفخار المكسور لا يرقع ولا يشعب ولا يعاد طينا. Ils ont cité cet exemple de l'Ahmaq. أنه c'est comme un vêtement qui s'est déchiré. Si tu le couds, enfin, il se déchirera à un autre endroit. C'est comme un récipient qui s'est cassé. Tu ne peux plus le coller. خلاص, il s'est cassé. Non. Mais هذا, Allah subhanahu wa ta'ala, يهدي من يشاء. كم من الناس, ils avaient من هذه الأوصاف, وتابوا والله سبحانه وتعالى هداهم. لكن العلماء ils insistent أن ne te fais pas du mal. Ne te fais pas du mal en fréquentant هؤلاء. Et si tu veux leur bien, خاصة si c'est une de tes connaissances, un membre de ta famille, fais du'a, qu'Allah les guide. Et si Allah subhanahu wa ta'ala les guide, ويصلحون أو نعم يسكوريج فالحمد لله ça deviendra une fréquentation profitable وإلا فالإنسان يحضر. ثم قال رحمه الله فهذا مثل الأحمق إن صحبته عناك وإن اعتزلته شتمك. قوله عناك ça vient de العناء. العناء c'est le تعب. فإن صحبته عنك si tu le fréquentes هذا الأحمق الذي تقدمت شيء من أوصافه الإمام بن حبان il a cité certaines des caractéristiques de هؤلاء فسي tu le fréquentes عنك il te fatiguera العناء c'est la fatigue وإن اعتزلته شتمك si tu t'écartes de lui il t'accusera d'être orgueilleux de كذا وكذا قال وإن أعطاك من عليك s'il te donne من عليك. Il te le rappellera pendant un certain temps. N'oublie pas, je t'ai donné telle chose. Alors que, min al-khuluq, al-tayyib, quand l'insan lui donne, quand l'insan lui donne, il ne rappelle pas son frère. Tu lui as donné, c'est l'illah. Il donne et il rappelle hada sinin. N'oublie pas, je t'ai donné hada. N'oublie pas, je t'ai donné hada. Aïe, les mains, les annahaoula, vu qu'ils ont une faiblesse dans l'iman et dans l'ikhlas, dans l'intention, c'est du donnant-donnant. Il te rappelle, hatta t'oublie pas, hatta anta, tu lui donnes. Qala wa in a'taytahu kafarak. Vous vous rappelez de l'égoïsme de Haoula. Quand c'est lui qui te donne, il te le rappelle souvent. Quand c'est toi qui lui donne, kafarak. On a al-kufr bima'na kufr al-ni'ma. Kufr al-ni'ma, annahu, il n'est pas reconnaissant. Quand il lui donne kafarak, il oublie très vite. Et bien, ba'dhum bi kulli waqaha. Ils disent, tu m'as rien donné, tu m'as jamais rien donné. قال وإن أسر إليك اتهمك وإن أسررت إليه خانك. هؤلاء tu es في التعب معهم وفي عناء وفي ضيق من في هذه المسألة. S'il te confie quelque chose, أسر ça vient du mot أسر, et s'il te confie quelque chose, un secret, une confidence, اتهمك, à tout moment il peut t'accuser. À tout moment, il peut t'accuser. Anna, tu as dévoilé son secret, alors que Anta, tu n'as jamais rien dévoilé. Lakin hada savih al-ahmaq, vu qu'il se précipite et vu qu'il n'est pas stable, il confie un secret à une dizaine de personnes. Thumma, quand son secret est dévoilé, il accuse tout le monde. Fali hada même écouter leur secret, ishtanib. Wa in asrarta ilay khanak. Amma Anta, akhil karim, ne lui confie jamais un secret. Si tu lui confies une chose, khanak. La première occasion, il te trahit et il divulguera ce secret. Qala wa in kana fawqak haqqarak wa in kana dunak ghamazak. S'il est au-dessus de toi dans une chose, matalan au travail, il a une place, etc. Fa fi hadha al-hal haqqarak. Fa hadha al-hal il te rabaissera. Et si anta tu es au-dessus de lui, ghamazak, il t'accusera. Annaka tu as de l'orgueil, annaka tu as changé, il a akhri. قال وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش اعلم بأن من الرجال أو نعم نعيد قال اعلم بأن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطنا بكل مصيبة في ماله وإذا يصيب بدينه لم يشعر. هذا من أوصاف هؤلاء أنهم لا يعطون كثيرا الدين. فلهذا قال قال فطنا بكل مصيبة في ماله. Quand une épreuve, un mal, il le touche dans ses biens, في هذا الحال, ça le touche énormément. Et il en parle, il fait tout pour résoudre, il a آخره. قال وإذا يصيب بدينه لم يشعر. Quand ça touche à son din, il n'y a pas, ça ne le dérange pas plus que ça. فلا يبالي, نعوذ بالله. أما المؤمن العاقل celui qui fait des efforts dans son din فإذا أصيب بشيء في ماله الحمد لله الحمد لله على كل حال المال ça vient ça part c'est pas l'essentiel لكن المؤمن سي الى المصيبه dans son دين ففي هذا هنا الخطر dans ce cas-là il doit faire très très attention son دين il a été touché et الدين c'est راس المال c'est notre capital à tous c'est ce qui te sauvera في الدنيا والاخره اما المال ça peut être pour contre toi ça peut être un bien ça peut être un mal ça dépend comment ces biens ils ont été acquis comment ils sont dépensés et ça peut être un énorme mal ça peut être une fitna اما الدين c'est ton capital اخي المؤمن قال أبو حاتم رحمه الله الأحمق يتوهم أنه أعقل من ركب فيه الروح صحيح et هؤلاء ils ont un manque de modestie flagrant لهذا قال رحمه الله الأحمق هؤلاء واحد منهم يبنس أنه أعقل من ركب فيه الروح أي يبنس que c'est la personne la plus intelligente la plus sensée la plus douée Mais pardon, ils le disent, Iyadam Billah. Avec leur sefer, avec leur faiblesse d'esprit, et là, yastahyoun. Ils le disent, hakada. Et ils se vantent. Qal, wa anna al-humqa qussima ala al-alam ghayri. Et pardon, kadalik. Ils pensent que tout le monde ne comprend pas. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des faiblesses. Bal al-humq. Cette faiblesse d'esprit, tout le monde l'a sauf lui. هذا c'est من أبرز صفات هؤلاء كذلك. أما المؤمن العاقل الصالح, il se remet en question lui. فلهذا بعض الصالحين بل بعض الصحابة رضي الله عنهم. أظن عمر ينظر هل ثبت عنه أم لا. لكن c'est مشهور عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أنه si j'entends une voix dire que tout le monde rentrera fil jannah sauf un homme enfin je penserai que c'est Omar radiyallahu ta'ala alors que Omar le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a annoncé al jannah min al mubashirin bil jannah amir al mu'minin le meilleur homme de cette communauté après le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhum ajma'in lakin al wara كذلك ثبت عنه بسند صحيح أنه il a été voir حذيفة رضي الله عنه pour lui demander est-ce qu'il faisait partie des hypocrites أم لا et lui a demandé سأله بالله بالله عليك et lui a dit est-ce que je fais partie de هؤلاء لأن حذيفة رضي الله عنه il fait partie des confidents du prophète صلى الله عليه وسلم et il avait la liste des hypocrites il les connaissait les hypocrites في المدينة et عمر رضي الله عنه il lui a demandé Est-ce que je fais partie de Haoula? Hudayfa lui a dit, là, tu ne fais pas partie de Haoula. Fahakad al-mu'min yattahim nafsa. Wa yakhaf ala dini. Amma al-ahmaq al-jahil, c'est le contraire. Il pense que khalas, il a réussi. Il pense que huwa il sait, les autres ils savent pas. Huwa il a compris, les autres ils ne comprennent pas. Et hada al-khuluq, iyadam billah, ça pousse à des mauvaises choses. Le fait de foncer, le fait de ne pas se renseigner, le fait de ne pas demander... قال والأحمق مبغض في الناس مجهول في الدنيا. Alors que هذا الأحمق السفيه avec ce mauvais comportement, cette précipitation et toutes ces caractéristiques مبغض عند الناس. En général, les gens ils n'aiment pas ces personnes. لماذا à cause de leur comportement. مجهول في الدنيا. Il n'a aucun poids. Il n'a aucun poids. Obama au sein de sa propre kabila, sa propre ville, sa propre famille, il n'a pas une grande importance. Lakin huwa yawwa son nafs annahu c'est kadha wa kadha. Qala ghayru mardiy al-amal wa la mahmud al-amr 'inda Allah wa 'inda as-salihin. Kama anna al-'aqil muhabbab ila an-nas musawwad fi ad-dunya mardiy al-amal 'inda Allah fi al-akhirah wa 'inda as-salihin fi ad-dunya. Na'am amma al-'aqil as-salih al-mu'min at-taqi. Fa hadha c'est l'inverse. محبب عند الناس bien sûr الصالحون فمن ceux qui le détestent فإما c'est من الحاقدين الحمقى إما من الكافرين إما من أهل البدع والأهواء وإلا الصالح المؤمن التقي ف ses frères مؤمن صالحين إلا وهكذا الله سبحانه وتعالى إلا on finit avec نعم le dernier ou l'avant-dernier أثر قال أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي قال حدثنا عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا العتبي قال سمعت عربيا يقول العاقل بخشونة العيش مع العقلاء السر منه بلين العيش مع السفهاء. لا شك هذا, لا شك. vaut mieux rester avec tes frères عقلاء أهل السنة مؤمنون صالحون même si il y a de la difficulté خشونة خشونة في المعيشة أي de un peu de pauvreté quelques épreuves des difficultés etc. vaut mieux هذا que être avec السفهاء الحمقاء avec اللين في العيش avec avec le confort avec la richesse etc. والله vaut mieux être avec tes frères. ولا شك هذا. قال أبو حاتم وإن من شيم العاقل الحلم والصمت والوقار والسكينة والوفاء والبذل والحكمة والعلم والورع والعدل والقوة والحزم. ثم il a conclu avec صفات العاقل qu'on a déjà vu dans le premier درس. Et كذلك هنا il les a cités رحمه الله pour montrer la différence entre الأحمق السفيه العاقل. فلا شك أن من صفات العقلاء الحلم والصمت أنهم يباسيون أنهم ne parlent pas beaucoup ils savent se taire ils contrôlent leur langue الوقار والسكينة الوقار السكينة le calme la sérénité ils respectent les autres والوفاء والبذل ils respectent leur engagement البذل كذلك ils savent donner ils sont généreux والحكمة والعلم ils sont sages chaque chose à sa place العلم يعتنون بالعلم لماذا لأن العلم سمفتح كل خير سي لا كلي دو tout le خير دو tout le bien الورع كذلك يكرني الله عز وجل والعدل سون جوست القوة والحزم و rappelez أن من صفات من صفات السفهاء تذكرون الضعف والوهن والعجز فمن صفات العقلاء القوة والحزم أنهم عند العمل والتطبيق فالحمد لله ils sont là c'est les premiers. قال والكياسة والتمييز والسمت والتواضع la modestie العفو il pardonne aux autres والإرضاء والتعفف والإحسان tout ça ولله الحمد on le verra dans des dorus à venir inshallah et on a déjà vu certains points dans les dorus précédents. Ce livre روضة العقلاء c'est pour expliquer صفات هؤلاء. Enfin, toutes ces sifat qu'il a citées هنا, en résumé, ils sont expliqués et détaillés dans le livre. C'est pour mettre en garde contre les caractéristiques qui contredisent Ha'oula. Et le dars d'aujourd'hui, c'était axé sur cela. Sifat wa alamat al-hamqa wa al-sufaha. قال فإذا وفق المرء لصحبة العاقل فليشدد يديه به ولا يزايله على الأحوال كلها. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, akhi al-karim, de fréquenter ha'oula al-uqala avec ces caractéristiques qu'il vient de citer, rahimahullah, qu'il a cité huna, rahimahullah, ma'a anna l'être humain, il a des faiblesses, des manquements. Lakin, alhamdulillah, l'objectif de ha'oula, c'est ce bien, et s'ils ont des manquements, ils se rattrapent, ils se corrigent. Fa kama qal, fal yashdud yadayhi bih. Faites tout pour ne pas rompre cette amitié, cette fraternité avec tes frères al-uqala. قال والواجب على العاقل أن لا يصحب بحيلة من لا يستفيد منه خيرا. هذا لا شك فيه. C'est une obligation pour l'uqala. Ne fréquente pas ceux que ils ne t'emmènent aucun mal. Bel, ils sont source de problèmes et de plusieurs maux. Al-aqil, il s'écarte de haoula. Il s'écarte de haoula. On répète haoula, tu peux les conseiller bien sûr. Tu peux être confronté à eux dans certaines choses. Lakin, fréquenter comme des amis, ça fera beaucoup de mal. Et c'est ça, c'était ça l'objectif de هذا الدرس ولله الحمد. On peut finir avec un point que l'imam al-Hibban n'a pas cité. Huna. Et en fait, c'est min a'zam al-humq. Comme j'a'a an Ali. ورضي الله تعالى عنه أنه قال العاقل الذي لم يحرمه نصيبه من الدنيا من الآخرة. العاقل c'est celui qui ne perd pas l'essentiel, l'au-delà à cause de ce bas monde. فهذا نستفيد منه ماذا؟ أن من الحمق ومن السفه. Ça fait partie de l'ignorance, de la faiblesse d'esprit, de faire passer ce bas monde avant l'au-delà. Et c'est le plus important. Et c'est le point le plus dangereux. Les Nawardennes, tous leurs efforts, c'est fait de dunya. Ils pensent qu'à dunya. Ils ont oublié l'akhira. On ne parle même pas de al-kafara, al-fajra. Ils pensent qu'à cette dunya. Ils iront en enfer éternellement. بعض المسلمين تأثروا بهؤلاء. Et à cause de السفه والجهل والحمق كأنهم ils ne seront pas jugés alors que يؤمنون. لكن ils sont في غفلة, ils sont tombés dans l'insouciance. Leur cœur il a été trempé dans الدنيا, il est attiré par الدنيا, ils pensent plus qu'à الدنيا. Et عيادا بالله وقعوا في هذا. Le athar de Ali, plusieurs savants l'ont rapporté. Et parmi eux, et il est cité plutôt dans Al-Adab al-Shar'iyya d'Ibn Muflih al-Hanbali, rahmatullah alayhi. قال الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى. Comment délaisser la demeure éternelle avec tous les délices, avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'éternité, plus de maladies, plus de souffrances, plus de pauvreté, plus de faim. L'insan, walillahi alhamd, il aura tout ce qu'il veut. Comment délaisser hada pour un plaisir de très courte durée? Et ce plaisir, il a énormément de failles et de manquements et d'imperfections. Ben, on pense que c'est un plaisir et ça fait que du mal. قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل. فالعاقل qui réfléchit sur ce genre de verset. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. L'au-delà, c'est beaucoup mieux pour toi que cette vie présente. قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. كذلك, les bienfaits ou les délices ou les choses que certains prennent plaisir via dit dunya, c'est قَلِيلٌ, c'est très peu, c'est éphémère, ça ne restera pas. فَالْعَاقِلْ qui réfléchit à هذا, لَا شَكَ أَنَّهُ il ne doit pas hésiter une seconde entre cette dunya et l'akhira. Et عَلَمُونَا cette dunya, celui qui veut profiter à fond de cette dunya, c'est pas compatible avec l'akhira. Sans tomber dans l'excès, ça veut pas dire que on doit se priver de cette dunya. Là, lakin huffat an-nar bi ash-shahawat. Beaucoup de choses, ça peut pousser à du haram. Fali hadha al-mu'min, il doit s'abstenir de beaucoup de choses dans cette dunya. Il doit faire attention, il doit se limiter au halal. Sans se priver. قال الله عز وجل وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تأمل ce verset. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Vous avez remarqué que dans ce verset, Allah Azza wa Jalla à la fin parle أَفَلَا تَعْقِلُونَ. C'est exactement le sujet de notre livre. العقل, العقل, صفة العقلاء. فالله سبحانه وتعالى خطب الإنسان dans ce verset قال أفلا تعقلون. Est-ce que vous ne raisonnez pas? Pourquoi? قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. Tout ce que vous pouvez posséder dans ce bas monde, ça reste des choses éphémères de ce bas monde. وزينتها, c'est un plaisir éphémère. قال وما عند الله خير وأبقى. Et ce qui est auprès d'Allah, c'est beaucoup mieux et ça restera l'éternité, le paradis. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Donc celui qui arrive à faire cette différence entre les plaisirs de ce bas monde et l'au-delà. كذلك, ses objectifs, son objectif, ça devient l'akhira. كذلك, ses efforts, c'est pour l'akhira. Cette dunya, c'est comme une mazra. C'est une préparation. C'est comme un champ. C'est comme un champ l'an. Tu plantes en faisant des œuvres et des efforts et tu espères récolter les fruits fil l'akhira. Celui qui a compris هذا, il fait partie de l'uqala. Des personnes sensées, douées de raison. Et celui qui n'arrive plus à faire cette différence, et ça se voit dans sa vie de tous les jours, il ne pense plus qu'à dunya, il a un problème dans l'aql. Et ça, c'est min sifati as-sufaha. Al-ghafilin, les insouciants. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Qala Allahu azza wa jalla dans un autre verset, wa mal hayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahu. Ce bas monde, c'est comme un jeu, c'est un jeu, wallahu. C'est que des plaisirs éphémères. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. Et la demeure dernière, l'au-delà, خير للذين يتقون. C'est mieux, c'est plus profitable, c'est plus bénéfique pour qui? Pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. ثم قال سبحانه أفلا تعقلون. Exactement comme dans le verset précédent. Est-ce que vous ne raisonnez pas? Enfin, si cette dunya c'est devenu notre principal objectif, si on a la conviction que c'est la'ibun wa lahu, lahu c'est quelque chose qui ne dure pas, quelque chose d'éphémère, la'ib c'est comme un jeu, enfin, est-ce que l'aqil va perdre son temps dans une chose qui a été qualifiée par Allah de la'ib wa lahu? Ben, en tant qu'aqil, en tant qu'adulte, tu ne dois pas perdre ton temps à jouer, à perdre ton temps avec les choses éphémères. Si tu prends un niveau de temps, l'aqil s'y réfléchira à un niveau de temps. Si tu enlèves le sommeil, tu enlèves la partie quand tu étais enfant, tu n'avais pas la raison, tu verras qu'il te reste, Allahu alam, 20 ans, 30 ans. On parle pour celui qui a une durée de vie, matalan, de 70, 80, 90 ans. On va dire, si tu enlèves les un tiers de sommeil et un tiers de une partie quand tu n'étais pas enfant, on qadra, il reste 30, 40 ans. On qadra même, il reste 50 ans. Est-ce que l'aql, il va profiter de ses 50 ans en oubliant l'au-delà, en oubliant son din, et à cause de ses 50 ans, il risque le châtiment éternellement, iyadam billah, comme c'est la situation des kafars. L'aql, il doit réfléchir fi mitla hadhihi al-ayat, ne pas les réciter hakada avec lisan faqat, là, les réciter, revenir à l'explication des savants, méditer, comprendre, et bien, idnillahi azza wa jal, ça changera nos vies. Kadalik, éduquer nos enfants à l'hada. On doit apprendre à nos enfants. Cette dunya, c'est comme un jeu. Ils éduquent leurs enfants. Cette dunya, c'est tout. Ils pensent qu'à ça, l'enfant. Hatta il arrive adulte, il ne connaît rien de son din. Il ne pense plus au din. Il pense qu'à une chose. Se marier, travailler et faire de l'argent. Limada liyanna, tarbiya qui est fondée sur hada dhab, sur ses faiblesses. Et cette insouciance, nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat lil jami' wa nas'alullah azza wa jal an yakfina shar al-sufaha wa al-hamqa wa yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan. On a ktafi bihada pour ce dars, walhamdulillah.